peux venir te poser sur moi. Je ne veux rien t'imposer. Reste aussi longtemps que tu voudras. Si le voyage à mes côtés peut simplement te garder aussi libre que moi, aussi libre que moi, aussi libre qu'on soit. Si tu es comme je crois, aussi libre que moi. N'est pas à craindre de me bouleverser, ce qui pourrait arriver. Je te laisserai sur ma peau te tatouer, à mon anneau t'accrocher, et sans barreau te garder. Aussi libre que moi, aussi libre.